est pas folle de moi du tout. J'ai même l'impression qu'elle s'en fout, que je peux crever la gueule ouverte. Elle bougera jamais ses grosses fesses, elle voudra jamais me faire l'amour. J'ai l'impression qu'elle est pas cool, que je peux partir en Amérique, que ça la rendra même pas triste. Elle est pas sensible à mes charmes, alors pour elle je prends des douches. Je mets du déo sous mes bras et du dentifrice dans ma bouche. Elle répond même pas quand je lui parle, elle fait comme si j'existais pas. Parfois elle m'énerve un peu, j'ai bien envie de lui foutre des claques, de lui casser sa tête en deux. Elle est même pas compréhensive quand je lui dis que je suis prêt au suicide. Sans elle la vie c'est tout pourri, que ouais ouais je vais bientôt mourir. Elle est même tellement pas sympa qu'on se demande si elle est pas morte. Si dans son ventre y'a un cœur qui bat, s'il y a des membres qui bougent encore un peu quelque part. Si elle continue de m'ignorer, je vais finir par m'énerver. Je vais lui chier dans les bottes, je vais lui percer toutes ses capotes, je vais lui mettre la tête dans les chiottes. On va bien voir si elle m'ignore, quand elle va voir comme je suis fort et que pour elle je fais des efforts. Elle est pas vraiment belle, elle pue des pieds et des aisselles. Elle prend pour la reine d'Angleterre alors qu'elle est même pas anglaise. Elle dit pas c'est bon quand elle mange, elle dit pas pardon quand elle rote. Elle dit pas au revoir quand elle part, même pas bonjour quand elle se lève. Putain, comme elle a pas la classe, j'ferais mieux de sortir avec ma mère.